Aujourd'hui, le 28 juin 2022, nous continuons la retraite et nous allons écouter le Dhamma Talk. Aujourd'hui, Sayadaw va parler des quatre méditations protectrices dont nous avons besoin lorsque nous pratiquons Vipassana. Ces méditations nous protègent des perturbations. Dans la vie mondaine, lorsque nous avons des affaires, une usine ou un endroit où l'on produit des choses, il y a des gardes autour de ces propriétés pour protéger. Ainsi, dans une usine par exemple, nous pouvons avoir besoin d'utiliser des gants pour protéger nos mains, ou nous devons porter des chaussures lourdes pour protéger nos pieds. Nous pouvons avoir besoin aussi de protéger nos yeux, ou d'avoir des habits de protection. Donc, dans notre travail, nous pouvons avoir besoin de prendre des protections afin de faire notre travail en toute sécurité. De la même façon, lorsque nous pratiquons Vipassana, nous pouvons avoir besoin de protection pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Il y a quatre sortes de méditations protectrices. La première est Buddha Nusati, le souvenir ou le recueillement sur les qualités du Bouddha. La deuxième méditation protectrice est Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. La troisième est Asubha Bhavana. Et la quatrième, Mara Nasati, ou le souvenir de la mort, méditation sur la mort. De ces quatre types de méditation, Buddha Nusati, le souvenir des qualités spéciales du Bouddha. Le Bouddha a une infinie quantité de qualités, un nombre incalculable de qualités. Nous avons juste besoin de choisir une de ces qualités. Le Bouddha a un nombre incalculable de qualités. Et si nous devions nous souvenir de toutes ces qualités, nous n'aurions pas le temps de pratiquer Vipassana. Donc, nous avons juste besoin de choisir une qualité en particulier et de méditer dessus. Tous les jours, nous prenons les refuges et nous récitons Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Et nous pratiquons le Dhamma du Bouddha. Si nous ne parlons pas du Bouddha, si nous n'apprenons pas quelque chose à propos du Bouddha, ce serait comme un signe de non-respect. Enseigner sur le Bouddha, c'est comme montrer un signe de respect envers le Bouddha. Nous allons donc en parler aujourd'hui. En même temps, parler de toutes les qualités du Bouddha, qui sont infinies, prendrait beaucoup de temps. Cette habitude de nous souvenir des qualités du Bouddha, c'est une tradition. C'est quelque chose qui s'est fait par le passé et nous la perpétuons. Et c'est aussi approprié. Réciter les vertus du Bouddha, les qualités du Bouddha, nous donne une protection pour notre pratique. Donc, nous allons en parler aujourd'hui un petit peu, juste assez pour avoir une protection appropriée. Tous les jours, nous récitons Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cette seule phrase exprime les qualités du Bouddha. Et pendant que nous la récitons, si nous en comprenons le sens, c'est déjà suffisant pour nous souvenir des qualités du Bouddha, des qualités et des vertus du Bouddha. Il y a trois qualités, trois vertus du Bouddha qui sont exprimées dans cette phrase. Le mot arahato, qui est la qualité des arahants. La signification de arahato est que le Bouddha a réalisé la plus haute sagesse, la connaissance du chemin des Arahats. Et avec cette réalisation, il a éliminé toutes les impuretés de l'esprit, les kilesas. Les kilesas qui provoquent les impuretés de l'esprit. Le Bouddha est devenu totalement pur de ses impuretés en réalisant le chemin des Arahats. Cette qualité d'être totalement pur, d'avoir éliminé tous les kilesas, c'est aussi vrai pour les Pacheka Bouddha ou les Bouddhas silencieux et les autres Arahants. Ils ont aussi réalisé le chemin des Arahants. Ils ont aussi éliminé tous les kilesas comme le Bouddha. Mais la façon de réaliser le chemin de la connaissance des Arahants, la façon dont les Bouddhas silencieux, les Pacheka Bouddha ou les autres Arahants ont réalisé n'est pas la même que la façon dont le Bouddha a réalisé le chemin. Donc les Bouddhas silencieux, les Pacheka Bouddha et les Arahants ont éliminé tous les kilesas. Mais ce qu'il reste pour eux est appelé les vasanas. Les vasanas sont comme les traces des actions et des paroles qu'ils avaient avant d'avoir éliminé tous les kilesas, lorsqu'ils étaient encore sujets aux impuretés mentales. Le Bouddha n'a pas seulement éliminé toutes les impuretés mentales, il a également éliminé tous les vasanas, toutes les traces des actions et des paroles hérité. Le Bouddha, il n'y a donc ni habitude physique, ni habitude verbale, habitude du corps ou de la parole, qui reste après sa réalisation du chemin des Arahants. Comme analogie, c'est comme les bouteilles d'alcool. La bouteille est vide, mais il reste toujours l'odeur de l'alcool. Il n'y a plus d'alcool, mais l'odeur est toujours là. Pour les Pacheka Bouddha ou les Bouddhas silencieux et pour les Arahants, il y a toujours cette odeur qui reste, ce parfum. Alors que pour le Bouddha, lorsqu'il a éliminé toutes les impuretés mentales, les kilesas, c'est comme s'il n'y avait plus d'alcool. Mais non seulement il n'y a plus d'alcool, il a également éliminé toutes les odeurs et les parfums de l'alcool. Il n'y a plus de traces, plus aucune trace qui reste derrière. La qualité du Bouddha d'être totalement pur est la raison pour laquelle il est respecté et digne de respect dans le monde. Dans le monde, nous respectons les personnes pures. Plus la personne est pure, plus elle reçoit du respect de notre part. C'est en raison de la pureté du Bouddha que son enseignement est toujours en vie actuellement, de nos jours. L'enseignement de Sila, l'enseignement de Samadhi, l'enseignement de Panya, l'enseignement de la moralité, l'enseignement de la concentration, l'enseignement de la sagesse. Et en particulier, l'enseignement de Vipassana sont toujours présents aujourd'hui en raison de la pureté du Bouddha. Ces enseignements, lorsqu'ils sont mis en pratique, mènent à la pureté. Lorsque nous pratiquons, nous mettons notre attention, nous portons notre attention sur l'objet qui apparaît. Nous l'observons. Nous le notons et nous comprenons. Cette pratique nous apporte la pureté momentanée. Quand l'esprit est directement mis face à l'objet, il comprend la nature de l'objet et nous n'avons aucun attachement à l'objet. En faisant cela, l'esprit devient mature. Cette pureté est une pureté momentanée. Les yogis qui pratiquent obtiennent cette pureté moment par moment pendant leur pratique. Comme l'esprit devient pur, la joie apparaît. Nous respectons Sila dans la pratique de Vipassana. Notre concentration se développe et de là, notre sagesse se développe, amenant encore plus de purification. Et à la fin, nous atteignons la paix. Comme nous pratiquons, nous développons la concentration et la sagesse, et l'esprit devient mature. À la fin, il y a la réalisation de la paix. L'esprit devient brillant, lumineux et clair, et est capable de comprendre et de savoir d'une façon extraordinaire. Dans notre propre pratique, nous observons la pureté de l'esprit étape par étape, moment par moment. Le Bouddha est passé par toutes ces étapes et a atteint la pureté complète en éliminant complètement les impuretés mentales. Si nous comparons le type de pureté, le type de clarté, le type de joie, que nous expérimentons dans notre pratique, nous pouvons juste imaginer combien la pureté de l'esprit du Bouddha était. Et cela amène le respect envers le Bouddha. Juste en comparaison, juste en imaginant la pureté de l'esprit du Bouddha, et comme nous pratiquons le Dhamma que le Bouddha a enseigné, et en voyant à travers notre propre pratique, cela nous amène à avoir beaucoup de respect envers le Bouddha et à le respecter comme le professeur du Dhamma qui nous amène à cette pureté. Comment pouvons-nous nous souvenir de cette qualité du Bouddha? Cette qualité de pureté, en méditant, en se souvenant que, en éliminant tous les kilesas, toutes les impuretés mentales, et avec sa personnalité, le Bouddha est digne de respect de tous dans le monde. Pour expliquer combien sont nombreux les qualités du Bouddha. Imaginez juste un jardin rempli de fleurs. Imaginez qu'une personne entre dans ce jardin et qu'il prend juste une fleur. Il n'est pas satisfait avec une seule fleur. Il en prend une autre. Et il n'est toujours pas satisfait. Il en prend une autre. Et une autre. Il ne se sent pas satisfait de prendre juste une fleur, car elles sont toutes belles. Donc, si une personne venait à aller dans ce jardin, elle prend une fleur, elle l'apprécie, et puis prend une autre, et encore une autre. Elle en fait une guirlande de fleurs. Allant et errant dans tout le jardin, mais ne se sentant pas toujours satisfait, il perdrait beaucoup de temps. Et pour nous, si nous voulons passer beaucoup de temps à réfléchir ou à nous souvenir de toutes les qualités du Bouddha, nous n'aurions pas le temps pour pratiquer Satipatthana. Donc c'est suffisant de réfléchir ou de se souvenir juste d'une qualité du Bouddha. Donc nous pouvons réfléchir juste sur une qualité du Bouddha. Et quel est le bénéfice de cela ? De faire ce que nous faisons actuellement. Quand nous réfléchissons, nous souvenons de la qualité des arahants, l'esprit est pur à ce moment-là. Parfois, pendant notre pratique, des choses effrayantes, des objets effrayants ou des scènes effrayantes peuvent apparaître dans notre esprit. Et en méditant, en nous souvenant des qualités, de la qualité du Bouddha. Cet esprit pur que nous développons juste en méditant sur les qualités du Bouddha peut dissiper l'esprit effrayé. Et parfois, cette peur peut même ne pas arriver. Juste parce que nous nous sommes souvenus des qualités du Bouddha, ce sont ici les bénéfices immédiats d'avoir appris à propos de cette pratique et de l'appliquer. Pratiquer la méditation sur les vertus du Bouddha, se souvenir de ses qualités, peut dissiper ou empêcher la peur de survenir ou de voir des objets effrayants. C'est pourquoi cette pratique de se souvenir des qualités et des vertus du Bouddha est appelée The Guardian Meditation. C'est la première méditation protectrice. La seconde méditation de protection ou protectrice est Metta Bhavana, le développement de l'amour bienveillant. La pratique de Metta Bhavana consiste à irradier, à diffuser une attitude amicale envers tous les êtres, envers toutes les créatures, de la plus petite à la plus grande. Si nous avons une attitude amicale, si nous ressentons de l'amitié envers toutes les personnes, le souhait pour leur bien-être, alors notre esprit est pur. Les êtres qui reçoivent notre attitude amicale, notre amitié, ressentiront la même chose en retour pour nous. Quand nous voulons le bien-être des autres, quand nous ressentons de la convivialité, de la sympathie envers ceux autour de nous, eux-mêmes se comporteront de la même façon avec nous. Ils ne seront pas des ennemis pour nous. Ce ne sont pas des ennemis, donc ils ne vont pas nous causer des ennuis. Si systématiquement nous développons l'esprit de Metta, alors les 11 bénéfices apparaîtront. La personne qui pratique et qui développe Metta a une grande amabilité. Elle dormira bien. Elle s'endormira en paix, elle se réveillera l'esprit en paix et elle n'aura pas de mauvais rêves. Les êtres qui sont autour de nous, qu'ils soient visibles ou invisibles, sentiront notre metta, ils le ressentent, et ils ressentiront du metta pour nous aussi. Et aussi les dangers qui peuvent survenir comme les inondations, les incendies ou les dangers qui viennent des gens mauvais ne viendront pas à nous. Et la personne qui pratique metta comme pratique de concentration peuvent aussi renaître dans les domaines supérieurs, le domaine de Brahma, le royaume divin. Et si une personne pratique metta comme une pratique de concentration et puis vient ensuite à pratiquer vipassana, elle développera les connaissances vipassana facilement. Pour développer metta, nous devons réfléchir de cette façon. Puissent tous les êtres être libres des dangers et des inimitiés. Puissent tous les êtres être libres de la détresse, puissent tous les êtres être libres de la souffrance physique et mentale, être capables de prendre soin d'eux-mêmes facilement. Chaque soir, nous récitons Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. Avec cette compréhension, et si nous y mettons tout notre cœur dans cette récitation, alors nous gagnerons les bénéfices de la pratique de metta. Que nous le récitions en pali ou dans notre langue, Aham Averohomi, Abhyapajohomi, Anigohomi, Sukhiatanam. Pariyarami. Que nous le récitions en pali ou dans notre propre langage, lorsque nous pratiquons vipassana, c'est approprié de le réciter tous les jours. Même si nous ne pouvons pas le voir exactement, quand nous pratiquons metta bhavana, nous empêchons les dangers de se produire. Tous les êtres apprécient cette attitude de souhaiter aux autres le bien-être. C'est une attitude que toutes les personnes, toutes les religions peuvent développer. Cela n'entre en conflit avec aucune autre religion. Aussi, c'est approprié pour nous de développer cette attitude de vouloir le bien-être de tous les êtres, que nous soyons à la maison et dans notre vie quotidienne ou dans une retraite comme ici. Les amis se sentent amicaux, donc ils ne dérangent pas, ne perturbent pas leurs amis. Cette méditation sur l'amour bienveillant nous donne donc une protection contre les perturbations, les dérangements. C'est pour cela qu'elle est appelée la méditation protectrice. Donc, premièrement, nous pratiquons le souvenir, la méditation sur les vertus, le souvenir des vertus et des qualités du Bouddha. Et deuxièmement, nous pratiquons metta bhavana et développons l'amour bienveillant. Nous pratiquons ces deux méditations et donc nous sommes capables de pratiquer sans perturbation, sans dérangement. Ce sont les effets de ces pratiques. Et quand nous pouvons pratiquer sans dérangement, sans perturbation, la concentration, samadhi, peut se développer. Et quand samadhi se développe, panya, la sagesse, peut être mature. Et avec la sagesse, nous sommes capables de voir, nous sommes capables de réaliser la connaissance du chemin et du fruit et la paix. Sayado espère que nous serons capables d'appliquer la pratique de ces protections et que nous serons capables de réaliser le but final, la paix. Sadhu, sadhu, sadhu.